Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la mort de Claude François. Que s'est-il passé dans l'appartement de Claude François, boulevard Exelmans, à Paris, le 11 mars 1978 ? Depuis la mort du chanteur, toutes les rumeurs, y compris les plus folles, ont circulé. On a parlé d'électrocution due à un séchoir électrique. On a spéculé sur une overdose ou un suicide. On a même parlé d'un complot et on a ergoté sur les accidents auxquels il avait miraculeusement échappé, comme s'ils étaient des tentatives d'assassinat ratées. Tout a été dit à l'époque pour essayer de trouver des raisons à ce décès brutal dont l'annonce s'est propagée en France comme un séisme qui a presque occulté le deuxième tour des élections législatives organisées le lendemain. Il faut dire qu'à l'époque, Claude François est une star, le chanteur populaire par excellence, en tête des hit-parades pendant 20 ans. À coups de strass, paillettes, brushing impeccable, chorégraphie sautillante en mode Claudette, Claude François s'est imposé avec Alexandrie Alexandra, bien sûr, chanson sur laquelle on danse toujours. Et puis il y a d'autres chansons sur lesquelles on ne danse pas forcément, mais qui vous laissent un goût de nostalgie de ces années-là. Comme d'habitude, me direz-vous, un parfum de magnolia et autres tubes, ça s'en va, ça revient, mais finalement c'est toujours la même chanson, chanson populaire. Sa mort prématurée l'a dispensé de vieillir et de donner de lui une image ternie. Il restera jeune, à jamais, c'est le supplément d'âme de tous ceux qui sont morts trop tôt. Certains ne voient en lui qu'une formidable machine à fabriquer des tubes. Pourtant, le chanteur à succès est aussi un homme sincère et sa réussite en est la preuve. Un homme pressé qui impressionne à force de dynamisme et de volonté. De 1960 à 1978, ce sont 20 années de la vie d'une icône que nous allons vous raconter. Notre invité aujourd'hui, Fabien Lecoeuvre, chroniqueur télé et radio, auteur d'ouvrages sur la chanson française. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA et de Léa Dupoux, Yenka. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Lise Christophe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le chagrin des fans de Claude François. Bah écoutez les cris de la foule quand le cercueil de Claude François est sorti de l'église. Le chanteur a été inhumé cet après-midi à Dannemois, dans l'Essonne. Et assister à une pléiade de vedettes, la famille voilée de noir et des milliers d'admirateurs qui sont restés immobiles sous la pluie pendant des heures pour rendre un dernier hommage à leur idole. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sous mes lits. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Claude François est mort. Tu es parti, j'ai cherché le repos. Clo-Clo, comme l'appelaient familièrement ses amis et ses fans, est mort accidentellement. Il s'est électrocuté en voulant changer une ampoule à son domicile. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure. Mais tu verras d'aventure le grand amour. La mort tragique de Claude François est là en tout cas pour rappeler les dangers de l'électrocution à domicile, des dangers que l'on a trop tendance à oublier. Claude François est un homme tourmenté dont la maniaquerie et les colères cachent des blessures d'enfance, des complexes, des doutes, des angoisses. Derrière les mots simples de ses chansons, il évoque parfois les moments difficiles de sa vie, ses ruptures sentimentales et intimes, qui lui donnent toujours la force de rebondir, porté par cette soif insatiable de réussir. Toute son existence regarde vers le passé, lui, l'homme moderne, parce qu'il veut assouvir un extraordinaire désir de revanche. Chanter, danser, briller, vaincre et convaincre, pour exorciser la perte d'un paradis perdu, celui de l'enfance. Claude François surgit au moment où une nouvelle forme musicale apparaît. C'est la période yéyé, pâle réponse au fantastique mouvement musical britannique qu'elle va tranquillement piller en reprenant les chefs-d'œuvre de la pop musique anglaise et en lui collant des paroles françaises. Le yéyé, une invention marketing qui promeut les interprètes non-compositeurs dont la télé raffole et face auxquels des résistants comme Gainsbourg, Polnareff ou Antoine font figure d'artistes accomplis. Heureusement, ils sont là pour donner le change. Claude François, l'un des rois de la variété et du yéyé, va chanter sur une ligne mélodique simple, des chansons d'amour raisonnables, des paroles familières qui font allusion à sa vie privée, mais qui rarement nous parlent de la société, de ses travers. Pas le genre de la maison, non. Le charme de Claude François est ailleurs. À partir de là, toutes ses chansons, jusqu'à ses derniers tubes, Magnolia et Alexandrie, seront des succès, des tubes immenses. Claude François mènera pendant 16 ans une carrière sans éclipse, chanteur et businessman, épousant toutes les modes jusqu'au disco qui lui va comme un gant. C'est cette histoire humaine et artistique que nous allons vous raconter afin de comprendre pourquoi la disparition de Claude François était si mal acceptée. Certaines stars sont mortes assassinées ou victimes d'une overdose. Mourir à cause d'une ampoule électrique est-il vraiment présentable? La mort tragique de Claude François est là en tout cas pour rappeler les dangers de l'électrocution à domicile, des dangers que l'on a trop tendance à oublier. Cette fureur qui habite Claude François, ses amis l'attribuent à l'enfance disloquée qu'il a vécue après le départ forcé de sa famille provoqué par les événements politiques. À la nationalisation du canal de Suez en 1956, le président égyptien Nasser impose le départ de tous les expatriés français et anglais en quelques jours. Fini l'Égypte, la famille de Claude François, chassée brutalement d'Ismaïla, vit très mal ce déracinement. Je vais peut-être me situer pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je vais me situer, donc je suis né, ça fera déjà un rapprochement ne serait-ce que physique, et du fait même moral, je suis né en Afrique moi-même, c'est-à-dire que je suis né en Égypte, au bord du canal de Suez pour être plus exact, et j'ai vécu là-bas jusqu'à à peu près 15-16 ans. Pour nous c'était l'idéal, les enfants s'amusaient dans les villas. Lucia Mazzini. C'était un coin de paradis. Mère de Claude François. Nous avions un jardinier chez nous qui était formidable. D'ailleurs, chaque saison, il avait ses qualités de fleurs. Toutes les corbeilles étaient d'après la saison. Même bébé. Il voulait que je lui chante. Alors ma belle-mère me disait, tu vas devenir prima donna, je lui. Et quand je m'arrêtais, il me disait, encore. Quand il me disait plus encore, c'est qu'il dormait. On est vraiment parti sans un centime, sans rien. Rien n'a pu être sauvé. On est rentré en bateau, en pétrolier finlandais, si mes souvenirs sont exacts. Après les années de bonheur, l'arrivée en France et l'installation à Monaco puis à Nice signent une période d'exil et de misère. Son père, en dépression, sans travail, se laisse mourir. Sa mère, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, essaie tant bien que mal de porter la famille. Mais c'est Claude qui, petit à petit, prend la place du père. Après un bref séjour derrière le comptoir d'une banque où il travaille comme employé, il décide de réussir ailleurs, dans d'autres sphères. Il aime chanter, il aime danser, il joue de la musique, batterie, piano. Et ce sont ses premiers cachets dans les orchestres des grands hôtels monégasques. Pourtant, en ce début 1957, la vie est dure pour la famille François. Claude et sa sœur dorment par terre, volent à l'étalage et se nourrissent peu. Une idée qui s'intitulerait donc « Ne me réveille pas ». Si un jour tu devais me quitter, fais-le dans la nuit. En 1957, il intègre l'orchestre de Louis Frosio qui se produit au Sporting Club de Monaco. Son père ne le soutient pas. Qu'à cela ne tienne, rien ne le fera reculer. Il veut chanter, il chantera. Alors il écume les boîtes de nuit de la région, apprend à danser et très vite donnera même des cours de danse à des futures vedettes comme Brigitte Bardot. Là, ça fait donc partie de l'époque où j'étais employé dans des boîtes. Et une fois, on cherchait un danseur pour apprendre aux autres à danser les danses à la mode qui devenaient relativement compliquées, en tout cas chorégraphiquement. On m'a demandé, est-ce que vous êtes danseur, parce qu'on cherche un danseur. J'étais venu pour me présenter en tant que batteur. J'ai dit, bien sûr, je suis danseur. Pourvu qu'il me paye, ce sera temps par soir. J'ai dit, parfait. J'étais danseur instinctif, mais je ne connaissais pas les pas à la mode. Mais en 2-3 jours, j'ai appris les pas et j'en ai imaginé d'autres. Car je suis très, très porté sur la danse. J'adore la danse. J'adore tout ce... Quand on aime quelque chose, on le fait très bien, en général. Et quand je me suis présenté à la boîte, ça a marché dès le départ. Et parmi mes élèves célèbres, il y en a eu plusieurs, dont Brigitte Bardot, je crois que c'est elle qu'on pense à chaque fois. Et puis Brigitte est venue tous les soirs, on est très très très beaucoup plus que camarades, on est presque intimes, mais on se voit très souvent, on a le même coiffeur, on arrive tous les deux en retard, on se dispute tous les deux, enfin il y a beaucoup d'histoires comme ça avec Brigitte, mais à part elle, il y avait à l'époque, et là on n'est pas intimes, hélas, c'était Onassis, sinon ça serait mieux sorti, il y a Onassis, il y avait la femme d'Onassis, enfin là, en ce temps-là c'était l'ami tendre d'Onassis qui était la Canasse, qui était une de mes élèves favorites. Elle bougeait presque pas, ça c'était pas fatigant. On pouvait passer 2 heures, elle mettait un pied devant l'autre en une demi-heure. Ça c'est difficile. Qui était le plus doué, c'était Brigitte finalement. Mais j'en ai eu d'autres, enfin j'ai eu Altariba, j'ai eu Darry Cole, j'ai eu tous les clients à la mode qui venaient dans cette boîte à la mode. Ça durait 1 an à peu près. C'est à Jean Lépin qu'il devient chanteur d'orchestre. C'est là aussi qu'il rencontre celle qui deviendra sa première femme, une danseuse anglaise, Janet Woolcott. Comme un enfant qui a perdu son père et qui le cherche en courant sur la terre. J'ai voyagé dans 20 pays, et j'ai parfois recommencé ma vie. Tous les métiers, je les ai faits, je crois. Tel Rastignac, ambitieux, Claude François décide de monter à Paris. Fin 1961, il part avec femme, famille et bagages pour la capitale. À cette époque, c'est là que tout se joue, aujourd'hui encore. Salut les copains, émission de Radio Culte, le twist, les yéyés, cheveux longs et mini-jupes, Claude François s'intègre habilement dans le paysage et après quelques essais infructueux, il adapte en français, une sale habitude à cette époque, une chanson américaine qui devient son premier tube, Belle, Belle, Belle. Son père meurt quelques mois avant, il n'aura pas connu les premiers succès de son fils. Pour Claude François, c'est la reconnaissance. Son disque passe sur Europe 1 dans l'émission Salut les copains. Et c'est une réussite. Le disque se vend à 1 700 000 exemplaires. Et pour couronner le tout, c'est Claude Lelouch qui signera son premier Scopitone, un clip musical sur la chanson de Claude François. Ça avait été tellement long avant que, la vie étant relativement bien faite, je suis assez fataliste, à la mesure où j'avais... beaucoup peiné au départ pendant des années pour m'en sortir. Là, dès le premier disque, ça a marché, c'était Belle, Belle, Belle, et ça n'a pas arrêté depuis le début. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Claude François travaille beaucoup et continue d'enchaîner les chansons adaptées de l'anglais, comme Si j'avais un marteau, la version française de If I Had a Hammer, qui lui offre en 1963 ses deux premiers disques d'or. Le succès, là, ça y est, le chanteur gagne de plus en plus d'argent. En 1964, il s'offre un ancien moulin à la campagne à Dannemois, en Ile-de-France. C'est pour lui le symbole de la réussite. Depuis le départ d'Égypte, il rêve d'une grande maison et de cette vie en famille dont il a été privé. Alors, il y installe sa mère et sa sœur, comme dans la chanson « Si j'avais un marteau ». C'est la première étape d'une revanche contre le destin. Ne me réveille pas. Si un jour tu devais me quitter, fais-le dans la nuit. Ne me réveille pas, ne me réveille pas. Quelques semaines plus tard, on l'entend chanter La Ferme du Bonheur. En septembre de la même année, il se produit pour la première fois à l'Olympia à Paris. J'ai l'impression, Claude François, que quand on arrive à la veille de la générale, on a toujours l'impression que c'est plus possible. On a l'impression que tout va s'effondrer. C'est le dernier des métiers, que l'ordre qu'on a choisi pour les chansons. On ferait mieux d'être sur une île déserte. Ne colle absolument pas. C'est vrai, l'ordre des chansons ne colle jamais. À la veille d'une journée très importante, on a l'impression qu'on ne sait plus où mettre les chansons. On intervertit et tout, alors qu'on a fait, je ne sais pas moi, en ce qui me concerne, 64 villes, avec un espèce d'ordre très très agréable. Qui avait l'air de marcher. Qui marchait tous les soirs. Mais là, on a dit non, il faut mettre ça ici, parce que la province, c'est pas Paris, puis Paris, c'est pas la province. Enfin, en fait, c'est pas vrai. Paris ou la province, c'est des Français, et puis c'est tout. Et puis, vous avez l'impression que tout est décalé là, au dernier moment. On a l'impression, oui, hein, cette impression. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le show de Claude François. Dans ce récital, Claude François chante également Donna Donna et un J'y pense et puis J'oublie assez nostalgique qui fait référence en fait à la séparation avec sa femme Jeannette. Pourtant, c'est aussi lors de ses concerts qu'il rencontre France Gall, toute jeune fille, et avec qui il restera jusqu'en 1967. Côté pro, le chanteur se montre maniaque, voire intransigeant et désagréable quelquefois avec ses collaborateurs. C'est le début de sa réputation d'artiste colérique et difficile. En 1965, il enregistre environ une quinzaine de titres. Il fait un musicorama, une émission de radio enregistrée en direct, à l'Olympia. C'est un triomphe. Il poursuit en enregistrant et en tournant pour la télévision. Le mythe Claude François est né. L'année 66 est marquée par la création des Claudettes, une recette qui marche. Quatre danseuses très légèrement habillées qui font office de faire valoir un peu une chorégraphie simple, mécanique, avec des rythmes sensuels. La tournée d'été n'en est que plus délirante, ponctuée par des scènes d'hystérie collective des admiratrices. Ne bougez pas. En fin d'année, il monte à nouveau sur la scène de l'Olympia pour y triompher une fois de plus. J'ai joué et puis j'ai perdu. pour l'instant, il joue et il gagne, Claude François. Après une courte idylle avec France Gall, Claude François rencontre Isabelle qui devient bientôt la mère de ses deux fils. Nous sommes en 1967. De l'autre côté de la Manche, la pop musique est à son apogée, immense, somptueuse. En France, Claude François est en fin de contrat chez Philips et il décide de créer sa propre entreprise, les Disques Flèches. Du nouveau à la rentrée dans le monde de la chanson française, une nouvelle maison de disques qui travaillera à l'américaine. Mais je vous invite à écouter Claude François. J'ai décidé, j'ai monté, j'ai une société. À la rentrée, j'ai ma maison de disques. Ce sera pas une maison de disques, Claude François, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de dire je suis un type terrible. J'ai des disques à mon nom, etc. Ça, je m'en fiche complètement. Ce sera société X ou Y. Oui, d'accord. Si vous voulez, elle m'appartiendra parce que je veux vraiment dire. Je dis n'importe quoi. Je veux l'orchestre philharmonique de New York pour telle chanson. Bon, on part, ça coûte 12 millions. Puis je m'en vais à New York. Je fais les moyens. Le public veut bien payer, et eh bien rien n'est trop beau pour lui. Or ça, on l'a toujours pas compris en France. Je vais le faire modestement, en espérant que les autres suivent, en espérant qu'on puisse... Il faut terminer le côté artisanal de la chose. La chanson est une chose importante, il faut la faire au stade presque industriel. Voilà un garçon qui ne manque pas de courage ni de volonté, qui croit en son métier. Il devient donc indépendant et seul maître à bord, un véritable homme d'affaires, patron également de son propre fan club. Le nouveau label est inauguré en 1968 avec le titre Jacadi. Il continue avec une adaptation des Bee Gees, La plus belle des choses. Mais sur ce même disque figure une chanson qui va devenir un tube mondial. Écrite en collaboration avec Jacques Revaux pour la musique et Gilles Thibault pour le texte, elle s'appelle « Comme d'habitude » et elle raconte la rupture du chanteur avec France Gall. Adaptée en anglais par Paul Anka sous le titre « My Way », elle sera chantée par les plus grands de Sinatra à Presley. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Tourne le dos comme d'habitude. Et puis je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu rentreras, oui, comme d'habitude. En juillet de la même année, Isabelle donne naissance à Claude Junior, vite surnommé Coco. Mais le chanteur ne fait pas étalage de sa vie privée. Il veut conserver ses fans et ne pas les décevoir. Il veut toujours briller, plaire, rester jeune, toujours jeune. L'année 1969 est aussi folle que les précédentes, alors que naît son second fils. Puis il fait à nouveau l'Olympia, une consécration, la scène la plus importante dans les années 70. Pendant 16 jours, Claude François chante à guichet fermé, c'est un triomphe. Le spectacle ressemble à un show à l'américaine. 4 danseuses, 8 musiciens et le grand orchestre de l'Olympia. Et puis un jour, à Marseille, et pour la première fois, il craque sur scène, sur menage. Le chanteur Claude François est depuis hier alité à Marseille. C'est à la fin de son tour de chant hier, devant une salle bondée de fans, que Claude François, qui donnait d'évidents signes de fatigue, s'est écroulé sur scène. Une ambulance a eu le plus grand mal à emmener le chanteur, car les fanatiques bloquaient en effet littéralement la rue, et la police a dû charger. Claude François était rentré très fatigué d'une longue tournée aux USA et au Canada, mais avait décidé de se produire quand même à Marseille, apprenant que l'on affichait complet. Il part aux Canaries se reposer. À peine rentré, il est victime d'un accident de voiture. À peine remis, il repart en tournée avec Dany et ses Jérômes. À la fin de l'année, il rachète Podium, un magazine pour les jeunes qui bientôt supplante ses rivaux, y compris Salut les copains. Mais oui, en 1972, en véritable connaisseur de musique noire américaine, il part enregistrer le titre « C'est la même chanson » aux États-Unis, à Détroit. Mais ses activités sont maintenant diversifiées, insatiables. Il est aussi producteur et il s'occupe d'artistes comme Alain Chamfort. Perfectionniste à l'excès, toujours à la recherche de gadgets musicaux, chorégraphiques, Claude François recrute un jeune compositeur suisse, Patrick Juvet. Il lui écrit pour « Le lundi au soleil », le succès de l'année 1972, sur lequel l'on voit Claude François et les Claudettes exécuter une chorégraphie à base de petits pas sautillants et de moulinets avec les bras. Des mouvements de danse qui ne battent pas des records d'élégance, mais repris dans toutes les boîtes de nuit pendant des années. Ils deviennent collecteurs. Tout le monde joue des bras et fait des moulinets sur les chansons de Claude François. On regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Star et capricieux comme beaucoup de stars, c'est une seconde nature, il choisit de ne pas faire l'Olympia et part en tournée autour de Paris avec un chapiteau de 4000 places. À la fin de l'année, il subit un contrôle fiscal et risque une amende très lourde. Claude François est inculpé de fraude fiscale. La Direction générale des impôts lui reproche d'avoir, durant 3 ans, dissimulé ses bénéfices personnels ainsi que les profits de 2 sociétés de production et de vente de disques dont les dirigeants sont sa sœur et son beau-frère. Tous deux d'ailleurs ont été précédemment inculpés de complicité. Si les faits reprochés au chanteur sont prouvés, il risque entre 3 et 5 ans de prison. De plus, il devra restituer les impôts qui porteraient sur 1 800 000 francs. En 1973, Claude François interprète « Je viens dîner ce soir » et chansons populaires, titres qui deviennent à leur tour de grands tubes. Pourtant, le sort semble s'acharner sur le chanteur. En juin 1973, son moulin de Dannemois est ravagé par un incendie. L'année suivante se passe un peu mieux. Le mal-aimé fait un malheur, suivi rapidement par le méga-tube. Le téléphone pleure, une chanson magnifique vendue à 2 millions d'exemplaires. Les affaires reprennent et Claude François investit cette fois dans une agence de mannequins, Girls Models. On connaît l'attirance du chanteur pour les jeunes femmes qu'il avait poussé l'année précédente à racheter un magazine de charme absolu. Pour l'occasion, il s'est même transformé en photographe. Il aime ses fans et surtout les jeunes filles. Il le confie à Jacques Chancel. Très honnêtement, je suis très porté sur les jeunes filles. Donc, voir des filles qui sont là, qui sont ravissantes et tout, c'est très agréable. Et puis, quand je peux en rencontrer une, etc., c'est vraiment des choses qui, de toute façon, je dis la vérité, qui me plaisent. Il y a les mauvais côtés, il y a des fois où on chante, on voudrait qu'il n'y ait pas de cri pour que la chanson soit jolie, parce qu'elle est belle, et puis il y avait quand même les cris dessus. À un certain moment, je vous pétais pendant, et puis finalement, je me suis dit, c'est une chose qu'on ne pourra pas contrôler de façon absolue, alors autant la subir en essayant de ne pas y faire attention. Une fiancée d'elle que je vous aime, bien. T'as pas peur, hein? Elle est partie, elle est partie. Eh ben, en général, les petites filles, elles s'essuient la bouche quand je parle comme ça, non? Tu t'essuies pas, là, hein? Ça va? Mais... Vous savez que je suis ici pour chanter, si je fais des billes sans arrêt, on me payera pas après. Là. Oh, des fleurs, viens, chérie, viens. Bon, allez, une chanson d'amour, vas-y, on va. Écoute bien, là, pour toi. En ce temps-là, j'attendais que passe à la radio les chansons que j'aimais bien. Je reprenais les refrains, j'étais si bien. Tout va bien, n'aie pas peur, là. C'était mon jeune temps, et c'est tout près de moi où sont parties mes chansons. Après, hein, je vais m'occuper des gens. Deux phrases toutes simples que je vais essayer de vous faire chanter. Salut petit. Deux phrases pour faire chanter ces dames. Tous les chats. Quel merveille. Claude François, il vit à 100 à l'heure et parfois ça tourne au cauchemar. En 1975, il est victime collatérale de l'explosion d'une bombe de l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, à Londres. Il s'en tire, si je puis dire, avec les deux tympans crevés. On est donc sorti pour laisser passer les gens pour entrer dans l'ascenseur qui descendait. On avançait contre l'espèce de canapé qu'il y avait. Il y avait une dame qui était debout. J'ai essayé de regarder le bouquet de fleurs, la dame était debout. C'est celle qui a été déchiquetée en deux par l'explosion et qui nous a sauvé la vie du fait même. Elle était contre la table, elle était contre la bombe, sans le savoir. Elle était debout là, elle essayait de regarder quelqu'un. Et évidemment, tout ça c'est long, mais ça a duré 6-7 secondes. J'ai dit 2-3 mots avec mes amis, j'ai parlé de ma chemise, je sais plus pourquoi, à quelqu'un, et je me souviens que c'est à partir du moment où j'ai dit « et ma chemise », l'explosion a eu lieu. On a été soulevé de terre, projeté contre l'arrière, et on a reçu des kilos de choses partout. Par la suite, on s'est aperçu que c'était des bouts de chair, des bouts d'entrailles, tout ça, de la malheureuse qui était devant. 3-4 secondes plus tard, et ça va quand même vite, j'étais donc sur le côté gauche, je me suis relevé, la deuxième explosion. Vous êtes blessé ? Moi, j'ai les deux tympans qui sont... Ça aurait des conséquences pour la suite de votre carrière ? Je sais pas, je vais voir le spécialiste maintenant qui vient me le dire, mais je crois qu'une opération, au pire des cas, est possible. On coupe, on recoud les deux lèvres du tympan. En 1977, il se fait tirer dessus alors qu'il conduit sa voiture en rentrant vers son moulin de Dannemois. Claude François fait toujours l'actualité du showbiz et des faits divers, l'un nourrissant l'autre. Qui veut du mal à Claude François ? Eh bien, la voiture du chanteur a été littéralement mitraillée alors qu'il se trouvait lui-même à bord en compagnie de 4 autres amis. C'est miracle que personne n'ait été touché. Cela s'est passé près de son domicile de Milly-la-Forêt. Malgré l'évidence des impacts sur la carrosserie et le pare-brise, certains ont tout de suite pensé à une opération publicitaire. Vous croyez qu'on ferait de la publicité avec ce risque-là ? Parce que je vous signale que la route était large comme la voiture, que donc le chauffeur était à ma hauteur, à gauche, et que celui qui tirait était à l'extérieur. Vous prenez cet angle-là, vous reliez cela ici, avec une ligne droite bien précise, et ça arrive sur le conducteur. Au bout, il y a Claude François. Et au bout, il y a moi. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais comme je ne suis pas très gros, heureusement, les balles ont dû siffler à côté, mais j'ai absolument rien eu. Mes trois passagers à l'arrière et ma passagère à l'avant étaient cachés, enfouis évidemment, quand on entend des coups de feu, tout le monde s'était écrasé par terre, j'étais tout seul à conduire. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vie et mort de Claude François, nous retrouverons notre invité dans quelques minutes, Fabien Lecoeuvre, chroniqueur télé et radio, auteur d'ouvrages sur la chanson française. S'il a répété pendant des années qu'il lui faut chanter toujours le même genre de chanson pour satisfaire son public, Claude François sait s'adapter aux modes dans la mesure où elles peuvent correspondre à son personnage, ce qui est aussi la stratégie de Johnny, l'autre figure majeure de la chanson française. En 1977, la musique disco est à son apogée. Il surfe donc sur la vague, même si quelques péripéties viennent contrecarrer le planning précis du chanteur exigeant. Claude François a encore des ennuis. Cette fois-ci, on ne lui a pas tiré dessus. En revanche, on lui a volé toutes les jupettes de ses Claudettes. Il y en avait pour 200 000 francs. Clocolo est d'autant plus embêté qu'il doit chanter ce soir à Maubeuge. Et ses Claudettes, qui d'habitude ne portaient pas grand-chose, n'ont maintenant plus rien à se mettre. En 1978, avec Alexandrie et Alexandra, écrit par Étienne Rodagil, l'auteur attitré de Julien Clerc, notamment Claude François, semble fermer la boucle de son histoire. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Et le 11 mars 1978, la France entière apprend la mort de Claude François. Claude François est mort. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe cet après-midi dans les salles de rédaction. Personne ne voulait y croire et pourtant, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Clo-Clo, comme l'appelaient familièrement ses amis et ses fans, est mort accidentellement. C'est comme s'il faisait partie de la famille. Claude François, c'est la plus grande vedette. C'est malheureux, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette mort affreuse de Clo-Clo ? C'est surprenant, on peut pas s'imaginer. On le connaît depuis tellement longtemps qu'on peut pas penser une seule fois qu'il aurait pu mourir comme ça dans un accident si bête, si stupide. Très impressionnant d'apprendre comme ça qu'il est mort. Claude François est mort électrocuté à son domicile parisien en voulant redresser une applique murale au-dessus de sa baignoire. La disparition subite de l'idole plonge ses fans et le public dans un état de profond chagrin qui vire parfois à l'hystérie. Le chanteur entre alors dans la légende. De l'église Notre-Dame d'Auteuil au petit cimetière de Dannemois où son corps est inhumé, c'est tout le gratin du showbiz qui est présent. Mais ce sont aussi 15 000 fans qui accompagnent et célèbrent une dernière fois sous la pluie leur idole. Entre hystérie et recueillement, ils sont là, tous ceux qui l'ont fait roi et leur roi est mort. Dans tous ces regards, frémit pour la dernière fois une frêle silhouette bondissante, une mèche blonde et les froids du disco a terminé son show. Écoutez les cris de la foule quand le cercueil de Claude François est sorti de l'église d'Auteuil. Des cris, mais aussi des malaises et des syncopes par dizaines. Les infirmiers de la Croix-Rouge n'ont pas chômé ce matin. De nombreuses jeunes femmes et même des enfants se sont effondrés derrière les barrières disposées dans les rues qui donnent sur la petite place d'Auteuil. Ces personnes étaient vaincues par la pluie et par le froid après de longues heures d'attente, mais aussi par les violentes poussées des 20 000 personnes qui ont voulu dire un dernier adieu à Claude François. Il y a quelques minutes, enfin, des centaines de bouquets anonymes ont été lancés par des fans de Claude François au passage du Corbillard. Ils rejoignent les grosses gerbes de fleurs adressées par des artistes, des gens du spectacle et par le président de la République. Depuis 3 heures, nous sommes. Même eu des gosses qui sont évanouis, il y a même eu des gens, d'ailleurs, l'ambulance est venue, encore, qui était là-bas tout à l'heure. La mort de Claude François, forcément, c'est une gifle pour tout le monde. On ne s'y attendait vraiment pas. Moi, je ne réalise pas. Son image restera toujours gravée, parmi tout le monde. Et... Alors, vous allez revenir maintenant sur sa tombe ? Ah oui, ce sera un lieu de pèlerinage. Oui. poussé par une ravageuse envie de réussir, malgré un physique et une voix que lui-même dénigrait, Claude François parvint à se maintenir au sommet de son art pendant presque 20 ans. Sa volonté farouche d'entreprendre, ainsi que son flair indéniable, furent les moteurs de cette carrière extraordinaire qui fit de lui le détenteur du label Chanson Populaire. Il demeure un symbole, celui de la France giscardienne, celle des années 1970, de la télévision paillette, des mythiques émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier, présentées par l'incontournable Guy Lux, que Coluche appellera un peu plus tard « Minux ». De son vivant, Claude François a vendu 35 millions de disques, depuis sa mort plus de 28 millions, soit en tout 63 millions de disques. Une idée qui s'intitulerait donc « Ne me réveille pas ». Si un jour tu devais me quitter, fais-le dans la nuit. Bonjour Fabien Lecoeur. Bonjour. Alors vous êtes un grand spécialiste de la chanson française, auteur de beaucoup d'ouvrages, de références, et notamment sur Claude François. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, chez Claude François? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce personnage qui est intéressant, qu'on peut ne pas aimer d'ailleurs, mais qui est intéressant? Ouais. Moi, quand j'ai commencé mon métier au départ en tant qu'attaché de presse, le premier personnage que j'ai rencontré attachant et fascinant, c'était Claude François. Mon plus grand regret finalement aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir lui avoir dit que je deviendrais un spécialiste en tout cas de son histoire. Et je me souviens toujours d'un entretien dans le hall d'un hôtel et après dans une voiture, parce qu'il avait utilisé la voiture de location que j'avais à l'époque pour repartir à un aéroport. Il voulait pas repartir avec son secrétaire parce qu'il sentait des pieds, il avait roulé toute la nuit sans prendre une douche le matin. Comment la petite histoire. Et donc j'avais posé naïvement la question, j'avais dit mais pourquoi Claude, il avait toujours ses Ray-Ban sur son nez, et on ne voyait pas ses yeux en dehors des plateaux de télé ou de la scène, ou voilà. Et il m'avait dit, tu dois savoir que le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. Ce qui en dit long sur le star system dont vous avez si bien raconté finalement les détails. Alors, et il serait fasciné aujourd'hui que ces disques passent sur France Inter, hein, parce que faut dire comme à l'époque, faut expliquer à tous nos auditeurs, c'est tout ce que détestait les programmateurs de France Inter à l'époque, c'était Claude François. Il représentait tout ce que France Inter ne passait pas. Je l'explique aujourd'hui parce que, pour la petite histoire, 40 ans après, on peut le dire aujourd'hui. Mais on n'entendait pas ces disques. Je suis surpris d'entendre ces chansons aujourd'hui sur France Inter. Voilà, je vous le dis. Mais c'est simplement parce que cette émission s'intéresse à tous les évidemment, sujets. Évidemment. Et Claude François fait partie de notre patrimoine, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Aujourd'hui. Il fait partie de notre patrimoine. Voilà, bien sûr. De son vivant aussi d'ailleurs. Oh, c'était plus compliqué. Hein. Il y avait les pour et les contre. Hein. Ah, bien sûr. Quelle place tient-il finalement dans le panthéon de la chanson française ? Une place essentielle, parce que je crois qu'il a amené un nouveau style musical, une autre manière finalement d'exister, de chanter, de s'exposer et de dire les choses. Je pense qu'il avait il avait compris un peu le sens. Alors il avait vraiment, évidemment une influence américaine, hein, et vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs, très influencé par les modes aussi, les devançant parfois de quelques mois pour arriver, et ce qui fascinait tout le monde. On est dans une époque où les chansons originales américaines, anglaises, ne passaient pas en France. On était obligé, évidemment, d'attendre les adaptations de Johnny, Sylvie, Pétula Clark, Richard Anthony et Claude François. Après, Claude François a très vite compris le sens du vent, il est devenu un homme d'affaires, il a compris qu'il fallait qu'il compose lui-même ses chansons, qu'il écrive en tout cas une partie des textes, puisque tous ces textes, c'était des très très beaux textes. Même si à l'époque, on prenait ça pour des petites bleuettes, quand vous regardez les textes de Claude François, que ce soit Pierre Delanoë, Roda Gil, ou d'autres auteurs comme Yves Desca, je pense à un texte qui dit dans une de ses chansons, c'est de l'eau, c'est du vent, merveilleux soleil de chaque jour, qui nous donne l'illusion de croire qu'on durera toujours. C'est pas de la chanson, c'est de la chanson populaire, mais ce sont des très très beaux textes. Le téléphone pleure est un quand regardez les textes indépendamment, voilà, de la sonorité. Qui touche, hein, ça touche. Exactement. C'est-à-dire qu'il avait ce sens populaire, mais dans le sens pas populiste, noble, dans le sens noble des choses. Et ça, on lui doit vraiment ça en France. Il a décomplexé en tout cas une certaine forme de chanson qui était décrié par tous les amis de Serge Gainsbourg, de Georges Brassens, et qui ne supportaient pas finalement ces chanteurs, qui vendaient des millions de disques en France. Quel genre de type c'était, d'homme? Il était irascible, énervé, sympa, sensible? C'était un gentil garçon, très gentil garçon, très excessif en tout, c'est-à-dire en bien comme en insupportable. Et donc il était attachant finalement, comme tous ces gens qui sont des phénomènes et des personnages, voilà, ils sont attachants finalement dans l'excès. Dans l'excès, bien sûr, toujours. Alors, il tient une place importante dans le panthéon de la chanson française. Vous l'avez dit, dans l'esprit de certaines personnes et de beaucoup de personnes en France, il tient une place énorme. Alors, on appelle ces gens les fans. Gaylor Van Wiebersch, notre reporter, en a rencontré deux à Béthune, Raymond et Josiane. C'est Josiane qui parle. Alors ici, vous avez deux fans, Raymond et moi. On va rentrer ? Nous entrons. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. C'est vos chats ? Allez, allez dehors. Bon, là, on est chez vous, Josiane. Oui. Et déjà, au mur, au lieu d'avoir des photos de famille, vous avez des photos de chats, mais vous avez surtout des photos de Claude François. Oui, il n'y en a pas tellement. Hein. J'ai épuré, hein. Parce qu'avant, c'était vraiment la folie. Hein. Quand j'étais chez mes parents, toute gamine, la chambre était tapissée de posters de Claude François. Comment ça vous est venu, ça ? À 10 ans, j'avais une dizaine d'années. Et c'est pas vraiment Belle qui m'a fait flipper, comme on dit dans le jargon actuel. C'est la chanson Le Jouet Extraordinaire. Elle était déjà une chanson précurseur en son époque, car il utilisait des onomatopées quand il faisait bap, quand il tournait brrr, quand il roulait bap, quand il marchait, je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je saurais jamais. Moi c'est ça, j'avais une dizaine d'années, puis après ça amplifié, c'est même grave. Si je me suis marié, c'est parce que mon mari ressemblait à Claude François. Non. On nous appelle les doudingues à Béthune. Hein. Ah bon ? Les fans de Claude François, vous, le petit gros ? Les doudingues. Hein. Toute ma vie tourne autour de Claude François. S'il n'existait pas, ben ça serait pas la peine que je vive. On ne pense qu'à lui. Est-ce que vous pouvez me montrer les archives que vous avez sur lui ? Oula, ça c'est tous vos bouquins, ça. Mais j'en ai plein, il y en a plein de l'autre côté aussi. Star Story, ça c'est un magazine. Les grandes vedettes, Claude François. Même si j'étais dans la débine, je les donnerais pas, hein. Ah. Ça, c'est des photos véritables. Ça, c'est son malaise simulé à la salle Valier à Marseille. Ça, c'est des photos de l'enterrement. Alors là, c'est la photo de l'attentat de la bombe Hilton, fait par Leroy, à ses deux tapants perforés. Un chanteur sûr, vous rendez compte? Et là, c'est la photo où on lui tire sur la voiture, là. Il est à deux doigts de mourir, là, hein. C'est ma vie, elle est là, étalée. Et moi, si je vous en achète une, par exemple, non, là. Non. 500 euros, je vous achète celle-là, non ? Non. Celle-là, 1000 ? Non. Premièrement, je suis une femme. Je le trouvais très mignon. Bien avant tout le monde, il a fait la rhinoplastie pour son nez. 4 fois son nez a été refait. Le physique comptait énormément pour lui. Il ne prenait jamais de shampoing. Il ne mouillait jamais ses cheveux. Il se lavait les cheveux avec de la poudre de lycopode à base de pollen. Il ne mouillait ses cheveux que quand il allait dans sa piscine. Ses boots se faisaient sur mesure dans les cuirs les plus fins. Ses mouchoirs étaient brodés par des sœurs d'un couvent. C'était un pharaon. Il vivait au-dessus de ses moyens. Il était mégalomane, mais je crois qu'il pouvait se permettre d'avoir des caprices de star. J'allais vous dire aujourd'hui, par exemple, c'est un petit peu has-been. Claude François est intemporel. D'abord, le karaoké le plus écouté, c'est statistiquement prouvé, c'est Alexandrie Alexandra. 35 ans après, il est encore le roi du dance floor. Danser et chanter en même temps ? Il avait le rythme, alors on oubliait un peu la voix. Même des fois les paroles un peu niaises, n'ayons pas peur des mots. Il ne s'est jamais prétendu être un chanteur. À texte, c'était un chanteur populaire. On peut mettre un disque, Josiane ? Toi, tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. De toute façon, ça meurt. Elle est tout à fait à son image. Il était maniaque. Il a vu cette applique qu'il a redressée je ne sais pas combien de fois. Ouais, c'était écrit. Lorsqu'il est décédé, j'étais anéanti. Je peux vous dire encore quand ça s'est passé. C'était un samedi, j'étais chez mes grands-parents. Je regardais le feuilleton Colombo. Et en toile de fond, vous savez, j'ai vu apparaître son visage. Puis alors là, il y a eu un petit filet qui passait, une bande-annonce. Le chanteur Claude François avait d'être victime. Un zombie. 3 ans, je me suis habillé en noir, en deuil. Et ce qui m'a aidé à vivre, c'est sa pensée et l'idée de garder toujours cette flamme, de ne pas l'oublier. C'est pour ça que Raymond et moi, et quelques autres personnes, on n'a qu'une idée en tête, avoir une rue à son nom. Ici, à Béthune. À Béthune. Si je pouvais le ressusciter. Il me manque terriblement, tous les jours. Alors on ferait quoi demain? On le ressuscite? On le ressuscite. Et après on fait quoi? Un bon gueuleton, parce qu'il mangeait peu, mais c'était un gourmet. Et pour épater ses futures conquêtes, il mettait un tablier blanc, il leur faisait une omelette aux truffes. On le ressuscite et il me fait une omelette aux truffes. Et après, vous pouvez partir, je reste avec lui. Un jour comme un autre, je t'ai attendu. Jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé, et malgré moi, j'attends. Je t'attends encore, et pourtant, même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Oh, même si tu revenais. Ah, ah, ah, ah, là, là. Je souffrirais trop si tu revenais. Voilà, ce que montre ce reportage, c'est à quel point un chanteur peut être important dans la vie de quelqu'un, jusqu'à être la bande originale de leur vie. Et après tout, c'est du bonheur que ça diffuse. Je trouve ça très émouvant, ce témoignage de Jocelyne est magnifique. Parce qu'en même temps, c'est tellement un témoignage d'amour pour une idole. Complètement. Cette idole est plus importante, finalement, qu'elle-même dans sa propre vie. Vous vous rendez compte, c'est fascinant, ça. Et l'impact d'un chanteur sur un public. Aujourd'hui, 36 ans après sa disparition, Claude aurait 75 ans cette année, il aurait eu 75 ans. On ne l'imagine pas d'ailleurs avec ce visage âgé. Et pourtant, il a marqué encore les esprits, il marque encore les consciences, et Josiane est absolument admirable. Moi, vous savez, Paris n'est pas la France. Moi, je vais souvent comme ça en province, je vais rencontrer souvent le public dans des signatures, dans des conférences que je peux faire, et je suis très sensible à ces témoignages, parce que c'est émouvant, puis c'est la vie, c'est ça la vie. Alors même si on peut rire à Paris, je trouve que c'est l'essence même d'une existence, et c'est un très très beau témoignage ce qu'elle peut dire. Je trouve vraiment, ça m'émeut, moi aussi. Et ça montre encore une fois l'importance que peut avoir un artiste, à quel point... Mais l'impact. À quel point c'est important, la chanson. Ce sont vraiment des éléments tellement importants pour la société, la preuve. Hein. Ce sont des gens qui vivent aujourd'hui par procuration. Depuis ce fameux 11 mars 1978, à peu près 15h20, quand la vie de Claude François s'est arrêtée. Stupidement. Elle n'aurait jamais dû s'arrêter, la vie de Claude François. Il y a quelque chose de révoltant là-dedans, complètement. Non, elle n'aurait jamais dû s'arrêter. Je l'ai souvent raconté, ou très peu écrit, c'est-à-dire que le lundi 6 mars, quelques jours avant cet accident qui lui coûte à la vie, il avait fait venir un électricien le matin, parce qu'il y avait des problèmes électriques dans la salle de bain, ce qu'on ne sait pas. Et puis évidemment, l'électricien, quand il vient à 10h30 le matin, la secrétaire Françoise lui ouvre toutes les portes de l'appartement, le couloir, le salon, etc. Pas la chambre et pas la salle de bain, parce que ce lundi 6 mars 78, Clo-Clo dort dans sa chambre, qui communique avec la salle de bain. Donc la secrétaire dit non, n'allez pas dans la chambre, ni la salle de bain, parce que Claude dort. Pas de problème, je reviendrai le lundi 13 mars. Il prend rendez-vous l'électricien, pour faire la chambre et la salle de bain, pour vérifier les installations électriques. Malheureusement, on connaît l'histoire. Il n'aurait pas dû se trouver dans cette salle de bain, parce que la veille, il était à Lézin, il enregistrait une émission de télévision pour la BBC. Et puis quand il arrive pour reprendre son avion sur le tarmac de l'aéroport de Genève, les petits avions à l'époque n'avaient pas le droit de décoller après 22h. Il est 22h19 lorsque Claude François demande, enfin le pilote de Claude François demande le plan de vol, l'autorisation de voler. La tour de contrôle de Genève lui autorise pas le plan de vol. Et là Claude François fait un caprice, dont vous avez si bien parlé d'ailleurs dans votre résumé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il tape du pied dans l'avion, il dit « mais je veux plus dormir en Suisse, je veux rentrer chez moi, je veux dormir à Paris ». Et finalement, la tour de contrôle, excédée par les propos du chanteur, dit « bon allez, on va laisser décoller parce qu'il va nous prendre la tête là toute la soirée et nous on a envie de rentrer ». Et ils ont laissé décoller le petit avion de Claude François, donc il aurait dû dormir une nuit de plus, il se serait jamais réveillé dans son appartement ce fameux samedi 11 mars, et peut-être qu'il serait allé directement à l'émission de télévision de Michel Drucker, qui serait pas repassé par son appartement, et donc il ne serait pas trouvé dans cette salle de bain. Vous voyez comme quoi, parfois, quand on a rendez-vous avec sa mort, on a vraiment rendez-vous, et je pense que Claude François avait ce jour-là, ce 11 mars 78, vraiment rendez-vous avec son destin. Et on a envie de refaire l'histoire, forcément. Et c'est pour ça que des milliers de personnes aujourd'hui en France, comme ce témoignage bouleversant qu'on a écouté, ben ils ont envie de refaire l'histoire. Quand on connaît ces détails, à ce point, elle en connaît plus que vous. Hein. C'est étonnant. J'imagine qu'elle a lu beaucoup de livres, etc. Ben oui. Et j'espère les miens. Et donc, je pense que c'est ça pour l'anecdote. C'est-à-dire que je comprends tous ces gens qui se disent, mais comment il s'est retrouvé? Il n'aurait pas dû s'électrocuter, cette mort aussi stupide. Alors, je veux reprendre tous ces journalistes qui, le jour de sa mort, ont raconté tout et n'importe quoi, volontairement dans certains cas, parce qu'ils détestaient Clo-Clo et il était détesté par la moitié de la France. On l'a dit d'ailleurs au début de la récit. Et la moitié des journalistes, évidemment, qui sont empressés de dire qu'il avait changé une ampoule. Claude François n'était pas aussi stupide, je dois leur répondre aujourd'hui, pour avoir eu l'idée de changer une ampoule dans la baignoire. Déjà, c'est une douche qu'il a pris, et puis surtout, cette applique était déplacée. C'est d'un centimètre. Okay, en fait, il a pas changé. Il a juste remis l'appli. Il a déplacé avec son majeur et son index. Il a déplacé d'un centimètre et demi. Là, je vous fais le rapport précis du rapport de police. C'est-à-dire un centimètre et demi avec le majeur et l'index. D'ailleurs, lorsqu'on voit ces photos que j'ai moi au coffre de Claude François sur son lit de mort, qui ont été faites par la police puisque c'est une mort accidentelle, il a les deux doigts brûlés par le contact de l'applique. Il a simplement redressé cette applique qui était en cuivre, et malheureusement, la suite, on la connaît. Quelques minutes plus tard, lorsque les pompiers sont arrivés dans l'appartement, eh bien évidemment, ils n'ont pu que constater finalement le décès du chanteur quelques minutes plus tard, suite, on va dire, d'une embolie pulmonaire consécutive à une électrocution. Merci Fabien Lecoeuvre. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, télé, radio. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la chanson française. Votre passion et votre expertise. Voilà. Merci. Merci de votre accueil en tout cas. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Vie et mort de Claude François. Merci aux documentalistes de Radio France. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.